Aussi, fut recommise ce jour-là quelques bourdes qu'on pourrait considérer comme bizarres si la prudence, plutôt que le caprice, était le caractère distinctif éternel des fées. Ainsi, la puissance d'attirer magnétiquement la fortune fut adjugée à l'héritier unique d'une famille très riche, qui, n'étant doué d'aucun sens de charité, non plus d'aucune convoitise pour les biens les plus visibles de la vie, devait se trouver plus tard prodigieusement embarrassé de ses millions. Ainsi fut redonné l'amour du beau et la puissance poétique au fils d'un sombre gueux, carrier de son état, qui ne pouvait, en aucune façon, aider les facultés ni soulager les besoins de sa déplorable progéniture. J'ai oublié de vous dire que la distribution, en ces cas solennels, est sans appel, et qu'aucun don ne peut être refusé. Toutes les fées se levaient, croyant leur corvée accomplie, car il ne restait plus aucun cadeau, aucune largesse à jeter à tout ce fretin humain, quand un brave homme, un pauvre petit commerçant, je crois, se leva, et empoignant par sa robe de vapeur multicolore la fée qui était le plus à sa portée, s'écria « Hé, madame, vous nous oubliez, il y a encore mon petit, je ne veux pas être venu pour rien. » La fée pouvait être embarrassée, car il ne restait plus rien. Cependant, elle se souvint à temps d'une loi bien connue, quoique rarement appliquée, dans le monde surnaturel, habité par ces déités impalpables, amies de l'homme, et souvent contrainte de s'adapter à ses passions, telles que les fées, les gnomes, les salamandres, les sylphides, les sylphes, les nixes, les ondins et les ondines. Je veux parler de la loi qui concède aux fées, dans un cas semblable à celui-ci, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, la faculté d'en donner encore un, supplémentaire et exceptionnel, pourvu toutefois qu'elle ait l'imagination suffisante pour le créer immédiatement. Donc, la bonne fée répondit, avec un aplomb digne de son rang, « Je donne à ton fils, je lui donne, le don de plaire. » « Mais plaire comment ? Plaire ? Plaire pourquoi ?» demanda opiniâtrement le petit bouquetier, qui était sans doute un de ces raisonneurs si communs, incapable de s'élever jusqu'à la logique de l'absurde. « Parce que, répliqua la fée courroucée en lui tournant le dos. Et rejoignant le cortège de ses compagnes, elle leur disait « Comment trouvez-vous ce petit Français vaniteux qui veut tout comprendre et qui, ayant obtenu pour son fils le meilleur des lots, ose encore interroger et discuter l'indiscutable ?»